Les pères de l'Église grecque au IVe siècle, par Eugène Fialon. Conclusion. L'espace d'un demi-siècle, dit M. Villemain, a vu se multiplier toutes ces tribunes chrétiennes qui furent renversées par les Goths et les Vandales. Ces hommes, dont la voix s'élève et entraîne les peuples, étaient les premiers hommes de leur temps par le talent, par la vertu, par la science. On cherche en vain qui leur comparer dans le domaine des arts du polythéisme. Ils sont les orateurs de la grande réforme du monde, les interprètes de la sublime nouveauté qui transporte tous les esprits. On croit leur parole parce qu'on l'admire, et on l'admire d'autant plus qu'on la croit. Ils ont tous ensemble plus de lumière et de foi que leurs contemporains, et les dominent par ce double empire. Leur religion est secourable et populaire, et cependant ce pouvoir ecclésiastique qui s'élevait, soutenu par de si grandes vertus, vit périr l'état social, et fut impuissant à le sauver. Ce siècle de splendeur théologique fut l'avant-scène de la barbarie. Est-ce à dire que tant de génie, de vertus et de travaux furent stériles pour l'humanité? Le vieux monde était trop malade pour pouvoir être sauvé. Pour le régénérer, il entrait dans les vues de la Providence de lui infuser le sang jeune et vigoureux des races barbares, qui déjà avaient commencé la conquête de l'Occident et que l'Église allait conquérir à son tour. Si, moins heureux que l'Occident, l'Orient est tombé dans une décrépitude de 10 siècles et, de cette longue agonie, dans une véritable mort sous le fanatisme barbare de ces Turcs qu'il est si difficile de remplacer, c'est qu'il a manqué de cet élément vivifiant et réparateur. L'Église, secours divin des âmes, n'avait mission ni de sauver la puissance politique en Europe, ni de la faire vivre en Orient. Les Athanases, les Basiles, les Chrysostomes et les Augustins eurent pour rôle de triompher des dernières résistances du paganisme et de la révolte, plus redoutable, de l'hérésie arienne, de contrepeser tous les vices d'une société corrompue, de tenir lieu, par leur seule éloquence, de la liberté, de la justice et de l'humanité qui manquait à la fois, de donner aux populations opprimées un peu de bonheur sur la terre en leur faisant gagner le ciel. Bienfaiteurs de leur siècle, ils n'ont pas moins bien mérité des âges suivants. Les grands hommes ne meurent pas tout entiers, ils revivent dans leurs écrits et plus encore dans les innombrables disciples que forme la méditation de leurs ouvrages. Et souvent il leur est donné de faire à la postérité tout le bien qu'ils n'ont pas eu la consolation de faire à leurs contemporains. Puisse notre jeunesse savoir s'inspirer, dans le recueil que nous lui offrons, de l'immortel enseignement des pères de l'Église et de la société moderne. Puisse-t-elle prendre le goût de ces nobles et vivifiantes études. Puisse-t-elle aimer à chercher la science de la vie dans les éloquents disciples que les Chrysostomes et les Augustins ont donnés à notre France, et surtout dans ce Bossuet, la plus belle et la plus pure de nos gloires littéraires, un autre père de l'Église, et, par son éloquence qui est toujours à la hauteur de sa doctrine, peut-être le plus grand de tous. Markham Dan Archive org 2024 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.